Merci à vous tous. Je ne sais pas si je parle assez fort. Thank you very much to all of you. I don't know if you can hear me very well. J'ai un peu des problèmes de voix, de portée de la voix. I have a little bit of like problems with my voice, but je vais essayer de parler suffisamment fort puisque vous avez eu la gentillesse de venir m'écouter. Encore faut-il que je sois écoutable. Because you were so kind to come and listen to me, I need to make every effort in order to be listenable. Merci en tout cas à John Mularkey qui m'a accueilli ici et aussi pour le workshop d'hier. I would like to thank John for the workshop. Et évidemment, pour mes nombreux traducteurs, il faut qu'ils se mettent à plusieurs pour me traduire. And thanks to my many translators that needed to be together in order to translate me. Alors, pourquoi une éthique à l'usage des philosophes? Pourquoi mettre la philosophie elle-même sous la sauvegarde et le contrôle d'une éthique, elle qui fournit déjà en droit des éthiques et qui semble donc suffire à se limiter elle-même? Par quelle torsion résoudre ce problème? Pour traiter rigoureusement un problème, quel qu'il soit, et sans sombrer dans une nouvelle indétermination ou une mauvaise indétermination, il faut un lieu relativement clos, fermé, une problématique, une enceinte théorique ultime avec ses axiomes, ses principes, dans laquelle l'élaboration d'une éthique s'impose d'elle-même comme exigence éthique. Une élaboration de l'éthique qui soit elle-même une exigence éthique. Mal parti, hein. À défaut de remplir cette exigence qui ne cesse de revenir, s'imposer, la posture théorique serait supposée suffisante pour régler tous les problèmes, mais nous ne saurions pourquoi nous sommes des êtres de connaissance, à quelle finalité cela répond. Cette auto-exigence oblige à remonter à l'homme, plutôt qu'au seul monde ou à la nature, qui sont des enceintes, des lieux problématiques, trop vastes et indéterminés, ou même à remonter qu'à la seule philosophie, qui est le plus vaste auto-englobant et qui supporte mal une éthique de second ordre comme celle que nous cherchons. Kant, qui va me servir de référence. Kant aurait dit, cette enceinte, c'est formellement le fait, le factum de la raison pratique ou le jugement. Et matériellement, le jugement de bonne volonté émis par la conscience commune. Nous définissons ou nous définirons, nous, ce lieu où se topose de l'éthique autrement que Kant et que rationnellement, donc que philosophiquement. Nous le définissons par l'homme, non pas comme être rationnel ou fait de raison, mais comme homme générique ou homme en personne, ou encore homme ordinaire. On dira évidemment que la philosophie défend déjà les humains et que cette éthique cherchée est inutile. Ce n'est pas le cas, je pense. Elle défend des buts étrangers aux humains, des normes, des valeurs et des ordres cosmiques. Elle a une fonction disciplinaire d'éducation, de rééducation ou de dressage, parfois autoritaire, de soumission des humains à la loi ou à l'ordre, mais pas spécialement de défense des humains. C'est une thèse fondamentale. Elle a une fonction d'appel au mieux, d'interpellation au pire, de contrôle et de sécurisation des communautés les plus transcendantes et les plus opprimantes. Heidegger et Badiou, parmi les philosophes récents, sont de bons exemples de cette violence faite aux humains, le premier par son interprétation, entre guillemets, nazifiante, de l'ontologie, le second par son interprétation, entre guillemets, maoïsante, de la philosophie. On demandera ici, qu'est-ce que l'homme réduit à son être générique? Qu'est-ce que l'homme peut exiger de lui-même et de ses propres actes dans le monde? Qu'ils obéissent à la raison ou à la philosophie, à la nature ou au devoir, à la loi ou à l'ordre divin des créatures? Certainement pas. Nous avons suspendu tout cela qui n'est plus pour nous que moyens ou matériaux locaux, sans finalité propre, ou dont les seules finalités, ou dont la seule finalité sera de nous aider à formuler cette éthique que je vais appeler orientée générique, ou orientée humaine. Puisque l'élaboration d'une éthique s'impose d'elle-même comme exigence éthique, il faut remonter, c'est le nouvel impératif, au-delà de la place, de la situation, de la condition de l'homme dans le monde, de l'être dans le monde, qui sont des définitions grecques ou parfois chrétiennes, réutilisées par le christianisme, Scheller, sinon existentiel, est marqué lointainement du péché originel. Il faut remonter au rapport de l'homme comme générique avec le monde. Pas dans le monde, mais avec le monde. Ce monde qu'il transforme plutôt qu'il ne l'habite. Éthique qui n'est plus théologique ou providentielle, ni d'ailleurs empirique et transcendantale à la manière de Kant et de Marx et au-delà, cette éthique va concentrer le mal dans le seul monde comme lieu forcé de résidence secondaire, si je puis dire, ou occasionnelle, non de résidence principale des humains. On s'en doute peut-être, notre concept du monde est de type ou d'esprit guillemets, gnostique. Le Dieu méchant, c'est le thème du Dieu méchant et de sa création au monde raté, où les humains n'ont pas leur essence, juste une existence forcée. Et la solution est de type ou d'esprit marxisant, à savoir il s'agit de transformer le monde plutôt que de l'interpréter. L'homme générique est l'homme en tant que non-agir ou qui ne réagit pas en guise d'agir, qui est donc non-agir et qui est agi par le monde de ce fait même, mais capable de sous-déterminer cette action du monde par l'agir propre à son non-agir. Le non-agir de l'homme fait qu'il y a un agir du monde sur l'homme. Marjorie. Yeah. Fait qu'il y a un agir du monde sur l'homme, et à cet agir du monde sur l'homme, l'homme peut agir justement parce qu'il ne réagit pas immédiatement. So the non-acting of man makes that there is an acting of the world onto man, and this acting enables man to act without reacting. C'est une critique de l'action réflexe, un agir de l'homme avec comme réaction immédiate à un agir du monde, à un agir d'un stimulus. I really want to criticize the idea of like a reflex, an action that would be deduced from a reflex to a stimulus. Rien ne nous garantit le succès de l'attente ou de l'espérance précise mise aux actes de cette éthique. De cette exigence, l'individu n'est pas sûr de l'existence effective ou de la faisabilité, mais on exige son advenu, l'advenu de cette espérance, au moins comme virtuelle, non comme actuelle et suffisante, au sens où le serait, par exemple, comme le suppose Kant, un fait de la raison capable de déterminer suffisamment la volonté. Kant suppose que la raison est suffisamment capable de déterminer la volonté, même si sa volonté ensuite échoue. So Kant supposes that reason is by itself capable of determining the will in a sufficient way, even if it ultimately fails in this determination. Eh bien, nous n'irons pas jusqu'à cette affirmation de Kant. But I'm not going to go as far as Kant goes on that one. Et l'homme générique exige une certaine action. Generic man demands a certain action. Qu'il n'est même pas sûr de pouvoir déterminer comme action ou comme intention de manière précise. But this generic man is not even sure how he can determine this action in a very precise way. Alors, deuxième grand point, pourquoi une éthique? On peut spécifier aussi cette éthique par ses buts extérieurs, ses conséquences attendues ou espérées qui vont rester, on l'a dit, on vient de le dire, problématiques. So why an ethics? We can hope to define this ethics by its external aims or consequences, but this must remain problematic. Alors, premièrement, une meilleure lutte contre la maltraitance des humains par l'histoire. C'est une éthique de la non-violence ou de l'action non-violente, en ce sens qu'elle n'est pas d'agression, mais de défense et de résistance. Une éthique de la défense universelle de l'homme et de lutte contre l'affectivité élémentaire, ce que j'appellerais la proto-affectivité, de l'oppression ou du harcèlement par le monde. C'est là, disons, une position un peu gnostique du problème éthique. Deuxièmement, on attend de cette éthique une meilleure analyse de l'essence de la philosophie, qui se connaît mal elle-même. Elle et ses morales se meuvent dans un horizon ou un milieu absolu aux limites indéterminées. Son autorité dominante se paie d'une analyse insuffisante de sa structure toujours en deux temps, affirmation, réaffirmation ou réassurance, ou encore de ses doublets spéculaires. Et la philosophie concorde avec le style qu'on va dire macroscopique, qui est celui des doublés. La métaphysique cosmologique et la théologie forment une ontologie macroscopique dont le réalisme et le déterminisme ne laissent aucune chance ou peu de chance à une éthique, possible à une éthique. Dans cette perspective épistémologique renouvelée, contemporaine, il ne peut plus être question de fait, même rationnel, de factum, même rationnel. Les faits prétendus sont des phénomènes complexes, hétérogènes et construits, voire des phénomènes dérivant quasiment à l'infini. Ils obéissent à une rationalité qui sera pour nous, il y aura bien une forme de rationalité, mais qui sera pour nous plutôt d'ordre quantique, que classiquement rationnel. Troisièmement, nous attendons une émancipation de la philosophie par rapport à son arrière-modèle mathématique. Les préjugés macroscopiques et spéculaires sont l'essence de la morale. Ça, Nietzsche l'avait très bien vu. Et c'est l'essence de la moralité des mœurs affinée et subtilisée. Comme ils sont l'essence de la métaphysique confortée par le modèle mathématique sous-jacent de la philosophie. Même lorsqu'elle s'occupe d'objets non mathématiques, l'arrière-modèle mathématique pèse sur l'argumentation philosophique et entrave son émancipation. Cette émancipation de la philosophie passera non pas par le modèle mathématique, mais par le modèle d'une matrice, comme on dit, d'une matrice, plutôt physique d'une part que mathématique, et plutôt algébrique d'autre part que massivement arithmétique ou géométrique. Même si cette matrice, comme on le verra tout à l'heure, inclut un ingrédient nécessairement mathématique, un peu un noyau de mathématiques, elle ne sera, cette éthique, elle ne donnera lieu ni à un calcul simple et empirique des plaisirs, pathologique, dirait Kant, ni à un calcul logique des lois ou des affects en fonction de la loi. Le respect, par exemple, chez Kant. Yeah, just one thing, there is a mistake in the translation, it's not effects, but affects. Affect. Sorry about that. Affect. C'est bon. Le formalisme quantique ne confronte pas le sujet et la loi, ni ne déduit le corps comme sujet, de sa régulation formelle, mais transforme les actions macroscopiques avec leur schématisme déjà effectué et donné en action microscopique. Bon, on verra ça tout à l'heure. Quatrièmement, on suppose une éthique active de transformation du monde et de l'histoire plutôt qu'une éthique réactive comme doublée de la morale et procédant par limitation et réaction. En élargissant et déplaçant la notion nietzschéenne de pensée active, on dira que les éthiques philosophiques ne sont actives que sur le mode mécanique immédiatement réactif et réflexe, mais ne soumettent pas leur réaction à une condition de non-agir ou de passivité qui peut seule justifier une action de réaction, ou une réaction active et juste. On redistribue donc ici la séparabilité et la non-séparabilité entre les deux aspects du bloc unitaire qu'est l'action réflexe, en introduisant le non-agir propre à l'immanence radicale ou générique. Entre le stimulus et l'agir qui réagit au stimulus, il y a un moment, une structure, une phase de passivité, non-réaction. Between the stimulus and the acting that reacts to the stimulus, there is a phase of passivity, and it's this phase of passivity that interests François. L'agir ne peut plus être conditionné par un stimulus extérieur qu'il réfléchirait en lui-même. Il est, de ce point de vue, transi plutôt de passivité. Et pourtant, il va donner lieu, non pas plus tard ou en différé, mais d'une certaine manière immédiatement, à une action de réaction spéciale contre la cause, contre le stimulus ou ce que j'appelle la cause occasionnelle. Un non-agir ne peut évidemment s'opposer frontalement à une cause occasionnelle, à un stimulus. Frontalement, un stimulus. Mais il tire de la cause occasionnelle, un double ou un clone, relativement indépendant de son origine matérielle et occasionnelle dans le stimulus, mais conditionné par son origine formelle, par le non-agir de la passivité. C'est dans le clone occasionnel que tout se passe, non dans le stimulus qui reste ce qu'il est, et pas davantage dans le non-agir en tant que non-agir. Mais ça va se passer dans le clone, qui sert en quelque sorte d'intermédiaire entre le non-agir et l'agir du stimulus. So ethics happens within the clone, that acts as an intermediary or go-between the non-acting and the stimulus. Cinquièmement, on propose plutôt une éthique de la création que du contrôle rationnel de l'invention plutôt que de l'examen et de la vérification. De la transformation comme invention de nouveaux objets plutôt que comme savoir spéculatif ou que déduction logico-mathématique. Voilà donc ce que nous voulons, ce que nous espérons, les buts extérieurs et immanents de l'humanité restreinte au générique. So this is what we want. We want an ethics of external aims of generic humanity. Maintenant, il reste à répondre à la question qu'est-ce que le générique ou comment s'organise-t-il? And now I must answer the question what is the generic and how is it organized? Le modèle générique que nous opposons au modèle dialectique, c'est en un sens le commun, l'ordinaire, le genre humain, réduit à son noyau. Mais lequel de noyau ? Éthiquement, c'est le dernier bastion humain possible, celui dont nous assurons la défense dos au mur. Et il faudra consentir à de grands sacrifices conceptuels pour assurer cette défense. Théoriquement, c'est le lieu de la pensée et de l'éthique, ce qui, pour nous, on l'a dit, tient la place de ces grandes entités macroscopiques que sont la volonté générale de Rousseau, le factum rationnel de Kant, le Dasein de Heidegger et les idées de ce genre ou de ce type. Mais ce noyau de l'homme générique n'est ni une unité métaphysique, ce n'est pas une essence obtenue par recouvrement de concepts, par exemple humanistes, du sujet et de l'objet. L'homme générique est l'homme physique ou naturel, comme le veut Feuerbach. Mais, l'homme physique ou naturel, comme le veut Feuerbach. So, generic man is the physical and natural man as Feuerbach wanted it. But, celui-ci, Feuerbach, est décidément trop proche de la dialectique de Hegel. But Feuerbach remained too close to Hegelian dialectics. Et d'une physique trop classique. Okay. Il s'agit bien pour nous de combiner, d'associer une donnée philosophique, d'espèce morale par exemple, puisqu'il s'agit d'éthique, et une donnée physique comprise de manière beaucoup plus moderne, plus contemporaine, de manière non pas newtonienne, comme c'est encore le cas de Kant, mais quantique. Quantique. On sait que les matrices sont des formes de traitement algébrique pour dualité de variables conjugués ou comme on dit canoniquement conjugués, c'est-à-dire qui sont normalement toujours associés, qui fonctionnent ensemble. Nous définissons la matrice générique par deux opérations et par le résultat qu'elles produisent. Premièrement, il faut une conjugaison ou multiplication des termes ou des données opposées, mais une conjugaison qui ne se fait plus de manière miroitante, en miroir, à coup de doublets ou de torsion, torsion soit dialectique, soit topologique. Ce ne sont plus des termes macroscopiques logiquement opposés, par exemple selon le modèle hégélien de l'être et du néant, qui va engendrer le devenir. Ils sont maintenant traités comme simples propriétés ou variables de l'homme générique et dépendent, et ils vont dépendre, mais de manière rétroactive, une fois qu'on aura parcouru tout le cycle, de manière rétroactive de la suite des opérations. Laissons ça de côté, je reviendrai sur ce problème. Bon, deuxièmement, il faut maintenant, c'est l'opération suivante, l'indexation des produits de ces variables, A, B, B, A. On a deux variables. So we have two variables, like A, B and B, A. On a deux variables, l'une étant un problème moral, par exemple l'idée de factum rationnel. For example, A would be a moral problem, such as the idea of a rational factum. Et une variable tirée de la mécanique quantique elle-même. And on the other hand, you have a variable that is extracted from quantum physics. Et ces variables conjuguées, il faut les indexer. And when you conjugate these two variables, you need to refer them to. Les indexer à un nombre ou sur un nombre dit algébrique. You need to refer them to a number imaginaire ou complexe. That is an imaginary or complex number. Mais un nombre qui est spécifique de la théorie quantique. And this number is actually like specific to quantum physics. Bon, en un sens, la problématique est simple. In fact, it's more simple than you think. Vous pouvez établir une éthique sur le modèle de la raison newtonienne. You can, for example, establish an ethics by following the model of the Newtonian conception. C'est, à mon avis, le cas encore de Kant. Et And I think Kant is doing this. Bon. Mais vous pouvez établir une éthique sur une base également rationnelle, mais qui ne sera plus newtonienne. But you can also establish or invent an ethics on a rational basis, but that will still be rational, but no longer newtonian. Une éthique où la référence nécessaire à la nature, à la physique en tout cas, se fera à la physique contemporaine, enfin dans ses principes, contemporaine, et pas classique. Because in this new ethics, the necessary reference to nature will be done through contemporary science, or thanks to contemporary science and no longer to the older. Et ce qui est la physique par excellence et la physique contemporaine par excellence, c'est la physique quantique qui a beaucoup de rejetons, mais c'est en gros ce qu'on appelle la physique quantique. And contemporary physics is, of course, quantum physics. Or, cette physique quantique, elle est caractérisée par l'introduction d'un nombre dit imaginaire ou complexe. And this contemporary physics, this quantum physics, is characterized by the use or the introduction of a number that is called the imaginary number. Ce sont des expressions du 19e siècle. It's actually an expression that was invented in the 19th century. Maintenant, on dit plutôt un nombre complexe. But now people, instead of speaking of imaginary number, people speak of, scientists speak of a complex number. Et le type du nombre imaginaire utilisé par la quantique, ça se dit racine carrée de moins 1. And in racine fact, carrée de moins 1. Yeah, and in fact, the specific number, this specific number is said square root of minus 1. Ce nombre imaginaire, c'est lui qui va transformer toutes les notions philosophiques en simple vecteur ou sous forme d'une représentation vectorielle. So this imaginary number is going to transform all the philosophical operations into vectorial numbers. C'est important parce que tout à l'heure, on essaiera de montrer que les actes éthiques sont des vecteurs plutôt que des objets, que des actes objets. And it is very important to note that ethical acts are in fact vectors rather than objects. La philosophie classique, la métaphysique, on va dire, et ses éthiques sont fondées, sont indexés plutôt à la négation métaphysique. Ce qui sert de nombre imaginaire à la métaphysique classique, c'est le néant, en fait. C'est le néant. The problem is that traditional metaphysics and its various ethics are all submitted to nothingness. It's nothingness that plays the role of a kind of metaphysical number. C'est-à-dire que le moteur du générique est algébrique, il n'est pas métaphysique. Algébrique, mais pas métaphysique. In the ethics, I would like to construct the motor of the generic. It's no longer metaphysical, but it is algebraic. C'est le nombre imaginaire, ce n'est pas le néant ou la négation. It is the imaginary number, and it's no longer nothingness or imagination. Troisièmement, donc le résultat de ces deux opérations, l'effet global est la production d'une connaissance qui se rapporte à l'homme générique, qui est celle de l'homme générique. Cette connaissance a un statut spécial. Ce n'est pas une réflexion ou une vérification, comme dirait Kant. On dira que c'est un clone constitué à partir du matériel de ces deux modèles utilisés comme données, clone produit par le nombre imaginaire. Il n'y a pas là de cercle vicieux, ça peut se discuter, de cercle vicieux de l'homme générique comme s'il devait se connaître lui-même ou faisait son autodéfense. Le nombre imaginaire sous-détermine plutôt la connaissance à l'état de clone, c'est-à-dire diminue la réalité ontologique de la connaissance elle-même. La connaissance n'est plus un objet absolu en face de l'homme, c'est un objet ontologiquement probable lorsqu'il est produit par le biais de la mécanique quantique et il sert au fond, il s'agit d'abaisser la puissance de la philosophie par rapport à l'homme. Le grand but ou le grand projet de la non-philosophie par rapport au but qu'on a fixé tout à l'heure, c'est abaisser la puissance, l'omnipotence philosophique, car il y a une omnipotence philosophique, par le nombre imaginaire en tant qu'il est constitutif de l'immanence radicale ou générique. So the imaginary number, because it constitutes radical immanence, enable us to minimize or depotentialize the omnipotency of philosophy, so that in this new ethics, we do not have absolute object of knowledge. But in fact, thanks to the operation of the imaginary number, we are able to lower down the pretension of philosophy towards ontology and to actually take the object as just being what François says, like ontologically probable, so as possibilities, but not as absolute essences. La connaissance produit maintenant en réalité deux types d'objets. Chaque donnée peut et doit se lire de deux manières. Non pas comme être et étant, à la manière de Heidegger, flux et objet partiel, à la manière des machines désirantes de Deleuze, Ce n'est pas une différence réversible de manière finale ou à l'infini, mais irréversible et unilatérale. Nous avons affaire d'une part à des phénomènes conditionnés par le nombre imaginaire, des phénomènes dits de superposition ou de vécu ondulatoire, de matérialité vécue ou sensible. C'est-à-dire que dans l'acte, il y a une face de l'acte éthique qui est une face qui obéit à ce que la mécanique quantique appelle la superposition, c'est-à-dire l'interférence des vécus, deux vécus se fondent ou s'identifient très étroitement, se pénètrent mutuellement pour ne former qu'un seul vécu. Deux ondulations qui se rencontrent, au point de leur rencontre, elles forment une seule vague et pas deux vagues. Les objets. There is a phasis of the ethical act that obeys a kind of interfering. There is a phasis. You have an ethical act. If you want to analyze it, you have to take one of its phases that is. Submitted to a kind of interference between two kind of lived experience, and these lived experiences are going to interpenetrate somehow and produce one single lived experience, and through this, c'est bon. Merci, vous êtes plus clair que moi. He said, thank you, you're clearer than me. I don't think so. Bon. So that, yeah, it's lived or sensible materiality. Alors évidemment, les relations entre ces deux objets, entre les vecteurs et les clones, un acte éthique, il est formé d'un vecteur et d'un clone. Le vecteur porte en quelque sorte le clone. Le clone, c'est ce qui reste de l'objet, de l'acte macroscopique, un acte définissable dans le cadre de la philosophie. C'est ce qui reste de cet objet macroscopique lorsqu'il est passé par le filtre du vecteur. OK. So, each ethical act is composed by a vector and a clone. The vector, as I said before, it's a superposition of different lived experience that unite and form one single lived experience. But on the other hand, you do have the clone, which is what remains of the macroscopic object once it has been thought through the filter of imaginary number. So it's the idealization or, you know, the ideal image of the experience, even if it's not the right vocabulary. Bon, encore. Le clone, il est plutôt du côté de l'image, alors que le vecteur est plutôt du côté du vécu. Oui. Enfin, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, en fait. J'ai résumé. Bon. Impératif catégorique et générique. Il faut sauter là. Oui. Ouais. Impératif catégorique ça, et générique. Ça, vous ne le dites pas? Impératif catégorique et générique. Si. Ok, c'est bon. Alors, si on se rapproche un peu de Kant et de la manière dont Kant a dessiné l'éthique, il s'agit de distinguer d'une manière qui ne recoupe pas la classification kantienne des impératifs, de distinguer les impératifs génériques ou radicaux, c'est ce que nous cherchons, et les impératifs catégoriques, à la manière de Kant, ou absolu. Distinguer les impératifs qui ne valent que pour l'homme générique des impératifs suffisants ou philosophiques en général. Radical ne veut pas dire absolu, contrairement à beaucoup d'usages philosophiques qui les confondent. Une pensée radicale descend à la racine, qui ici est le nombre imaginaire même pas le néant, qui est aussi, si on cherche à représenter vectoriellement le nombre imaginaire, c'est aussi le quart de cercle, le quart de cercle, par opposition au geste philosophique qui cherche toujours à se dépasser lui-même. Et vous savez ce qui se passe à force de se dépasser soi-même, c'est de former un cercle, c'est de revenir en soi. The problem with the philosophical obsession to self-overcome is that this self-overcoming has always produced a kind of vicious circle, and it is through this vicious circle that philosophy ends up closing onto itself. So that's not what François wants to do. He wants to overcome the obsession of self-overcoming. Les impératifs de la raison infinie classique sont absolus ou suffisants parce qu'à la fois ils n'ont pas de lieu déterminé, ils sont partout et nulle part, et ils ont une sorte de localité quand même, mais infinie, l'entendement divin ou la raison philosophique, comme un lieu qui est lui-même sans lieu. Un lieu qui est lui-même sans lieu. Autrement dit, ces impératifs sont situés nulle part et obligés, la raison classique est obligée de se redoubler pour tenter de se fermer, de s'achever et de se fermer. Même l'impératif catégorique de Kant exprime le fait absolu de la raison qui détermine par liberté la volonté ou l'action. Radical, en revanche, implique une limitation intrinsèque du factum génériquement universel et nécessaire, mais non suffisant. C'est-à-dire, s'il y a un impératif pour l'homme générique, so if there is an imperative for generic man, il est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit suffisant. Théoriquement, chez Kant, en principe, il est suffisant. C'est-à-dire qu'il suffit à déterminer la volonté. So, contrary to Kant, there is, of course, this imperative, but if it's necessary, it's not, as in Kant, it's not sufficient. It means that it does not suffice to determine the will. C'est bon. Même chez Kant, qui pourtant introduit la finitude par opposition à la philosophie classique, il y a ce passage presque obligé de la nécessité à l'autosuffisance. Even in Kant, who has managed to introduce the finitude within his ethics, the problem is that he ultimately fails to get rid of this moment of self-sufficiency of philosophy. En revanche, un impératif est radical, au sens où je distingue absolu et radical, hein, il est radical en ce que sa nécessité ne s'excède pas elle-même vers la réalité. So, radical imperative and not categorical imperative. Why is that? Because a radical imperative is an imperative that does not exceed the real. Il faut en quelque sorte que la nécessité soit sollicitée ou motivée de l'extérieur par une cause que j'appelle occasionnelle, par un événement, par exemple, pour qu'il y ait une action éthique ou une réaction éthique. So, the necessity of the ethical act as radical imperative must be motivated from the outside by an occasion, an external event, and not by the will. Comme générique, un impératif est universel, mais seulement pour autant qu'il oblige les humains en tant qu'ordinaires, dans le monde ou hors du monde. Il est universel pour tous les mondes possibles, même extraterrestres, mais il ne s'adresse aux individus qu'en tant qu'en dernière instance, Le générique est le commun ou l'ordinaire libéré de sa forme conscience ou de sa forme raison, une façon plus radicale de reconnaître l'homme ordinaire plutôt que l'exception ou que l'individu formaté institutionnellement. Un impératif générique n'est pas catégorique, donc. Il est par ailleurs d'une nécessité limitée, pas absolue, pas autopositionnelle, parce qu'il est sous la condition d'une occasion extérieure, dont le concours lui est nécessaire. La finitude de l'homme générique, j'ajoute ceci, la finitude de l'homme générique tient à ce que son trait de générique n'est pas absolument suffisant. Il faut en quelque sorte qu'un stimulus venu du monde le sollicite ou le mobilise. Okay. So, the finitude of the generic man is linked to the fact that his generosity is not sufficient by itself. So it's not an absolute. He needs to encounter the world, he needs an occasion, an external occasion. And this is this external occasion that is going to produce a stimulus onto man. And that makes the generosity of the generic man, and not himself who is deciding of his generosity. So. Bon, étant donné l'heure, pour aller plus vite et pour terminer plus vite, je vais résumer. Because he's actually going to sum up what he wanted to say, so we have to do like a translation. Like comment? Simultaneous translation. So I'm going to concentrate, and I'll do the best. So the sat-nav is off. On va comparer un acte éthique rationnel. So we're going to compare an ethical, rational act. Une intention chez Kant qui n'est for pas. For example, like an intention in Kant. Qui n'est pas nécessairement une réussite dans le monde, mais qui a quand même sa réalité de bonne volonté. So just take the intention as before it's actually achieved or actualized within the world. Take it as a pure good-willed intention. L'intention a donc une certaine plénitude ontologique. So, the intention, if you look at it that way, has a kind of a ontological plenitude or completeness. Elle ne peut avoir cette plénitude que parce qu'elle émane du sujet rationnel. Et la raison, bah, d'une certaine manière, est homogène au tout. And who gives it this kind of completeness, if not this rationality, this reason, or pure reason, that is at the same time immanent to the whole of the world? En revanche, une éthique générique va trancher entre l'homme d'une part. So, if we want to depart from Kant with what I'm calling a generic ethics, we need to think an ethics that is going to cut or separate itself from. Et là, par ailleurs, la réalité à laquelle il peut s'attendre ou qu'il peut espérer. Elle le coupe de quoi? De la réalité qu'il peut attendre ou espérer. So, this new ethics is going to separate itself from the kind of reality that man always tries to hope for or, you know, wait for. So it's a kind of like ethics without hope or without teleology. Cette coupure est nécessaire parce qu'il s'agit de poser le problème de la défense des humains. If this cut is necessary, it's because the question is to posit a more important problem, which is the one of human defense. How to defend the humans and not values. Alors, la structure de l'acte, ça n'est plus une structure fermée. So the structure of the ethical act is no longer a closed structure. C'est ça la structure de ce qu'on va appeler un vecteur. In fact, if you have a look at it, this ethical act has a structure that looks like a vector. Vector. C'est-à-dire à la rigueur le modèle d'une pulsion. And in fact, if I speak of vector, it's because I would like to speak of drive. But you know, it's very difficult to qualify a drive because we all know that we don't know what it is. So vector will be. Alors, pour comprendre un peu quelque chose à cet usage du vecteur, il faut se reporter à la mécanique quantique. So in order to understand something about this kind of new use of vectors or new use of drives, you need to have a look at quantum physics. Le vecteur, c'est la manière de se représenter, la manière non représentative, non transcendante, non extérieure, de se représenter ce qui se passe. In fact, a vector is a non-representational way of representing to oneself what is actually happening. So it's an account of an event that you cannot represent, but that you can symbolize by a line, a vector. Or, les vecteurs, ils ont ceci de particulier, c'est qu'ils, en un sens, ils n'ont pas d'objet. The good thing about vectors is the fact that they have no object, like no determined object. They are like pure vectors, or lines. Au contraire, dans la perception, vous visez un objet. And of course, like in the phenomenological in, like notion of intentionality and perception, you always aim at an object. So that is the end of the line of perception, whereas his line does not have any end. Dans la perception, comme modèle de base de la phénoménologie, il y a une corrélation entre le sujet et l'objet. Yeah, in phenomenology, you always have an a priori correlation between the subject and the object, and it is this correlation that La Rouelle is trying to kill. Et comme vous savez, l'objet, c'est ce qui vient à la rencontre d'eux, qui vient en face de moi et contre moi, certainement. Because in fact, the problem is that the object is a kind of harassment of the subject for François. It's something that comes to meet me and to... Il vient à ma rencontre et il vient pas me tuer, mais vous avez quelque chose de fort. Me harceler. Me harceler. It comes not to kill me, but to harass me, the object. So it's really a question of reversing the... Par contre, un vecteur, il n'est pas, comme dirait, pour utiliser le vocabulaire de Michel Henry, il n'est pas extatique. La perception, elle est extatique. Je suis en extase devant l'objet. So, perception, the way phenomenology explained it, it has always been a kind of ecstasy or ecstatic, because it's a getting out of oneself as, you know, teleological stuff, whereas vector is not ecstatic. Le vecteur, il a un quasi-objet ou un demi-objet. In fact, the vector does have an object, but it's not a full object, it's a quasi or semi or half object. Et l'objet d'un vecteur, c'est un autre vecteur. And what is the half object of a vector, if not just like another vector? C'est-à-dire qu'il n'y a que des enchaînements de vecteurs. So in fact, you just have like a big network of vectors and chains of vectors. À la limite, ouvert à l'infini. And in fact, ouvert l'enchaînement à l'infini. Okay. And this chain of vectors is actually open to the infinite. Ça là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? On est dans les lignes là. Oui. Bon. L'addition de deux vecteurs, c'est une opération algébrique, enfin vectorielle. L'addition de deux vecteurs, qu'est-ce que c'est? So what is the addition of two vectors? What is it? Because it's actually an algebraic operation. C'est pas comme quand vous additionnez deux et deux. Font quatre. But it has nothing to do with the numbers. Like, for example, when you addition 2 and 2 and you say it equals 4. Parce que deux vecteurs enchaînés, par exemple, because if you add one vector to another vector, la somme des deux vecteurs, c'est ce troisième vecteur qui va de l'origine du premier à la fin du deuxième. Because in fact, when you addition two lines or vectors, you don't end up with three lines, but you end up with one line. That is the addition of the first line, the second line, and the third line all together from the origin to the end. Maintenant, imaginez une particule folle. Elles sont toutes folles. Now, let's imagine a crazy particle. In any case, they're all crazy. Elle va normalement dans tous les sens imaginables. On suppose qu'elle va dans tous les sens. And you can even suppose that this particle goes everywhere, like in all like directions. We can imagine this. Aussi bien en avant qu'en arrière, en se croisant à droite, à gauche, etc. Goes on the right, on the left. Eh bien, on peut quand même faire une somme de ces vecteurs à la fin, enfin ce qu'on va supposer être la fin de l'enchaînement. Il y a quand même une somme des vecteurs possibles. Et ce sera, cette somme, c'est la résultante, évidemment, qui va du point d'origine du premier vecteur à la fin du énième vecteur. But in fact, there is a way, at least we can imagine, a kind of possible sum of all the vectors' movements. So... Eh bien, la logique des vectorielles, si je puis dire, ou vectorielle, enfin je préfère vectorielle, moi vectorielle, pour des raisons philosophiques. But the this vectorial logic... Au fond, elle est donc il n'y a que des vecteurs, mais ces vecteurs sont accompagnés d'un quasi-objet qui est la résultante. Of course, you only have vectors, but all these vectors are accompanied by objects, but these objects are just the products of the vectors. Bon. Ça trouble déjà tout ce qui est extatique, hein. La perception extatique ne so peut plus avoir. So the good thing is that with this vectorialization of thought, I'm doing away with phenomenology and the ecstatic perception or intentional perception. Donc la structure de la rationalité classique entre la cause, l'effet, même si l'effet est un peu déviant, n'est plus utilisable ici. So I'm not using the old classical structure of duality that you have, you know, between the subject and the object, etc. Je ne peux pas conclure de la nécessité de faire un certain parcours à l'arrivée à un point déterminable, à un point non aléatoire, à un point que je connaîtrai avec certitude avant que la trajectoire ne se fasse. I cannot predict in advance, that is, before the trajectory of the vector ends, I cannot predict in advance where it will go or where it will end. Donc si on compare l'acte éthique générique en tant qu'il est fait par l'homme générique et non pas par l'individu... So if you compare the generic act or the ethical act, the way it is... accomplished by the generic man. Il a une structure de pulsion ou de vecteur peut-être à l'infini. You can note that its structure is that of a vector or a drive, maybe that goes up or down towards infinity. Mais qui ne s'achève jamais dans un objet en soi. But what you can be sure of is that this vector will never be fully accomplished in an essentialist object, an object in itself. C'est pourquoi j'ai introduit le terme de clone dans un... And that's why I introduced the concept, the theme of clone. Le clone, c'est ce quasi-objet ou cette particule, en quelque sorte, qui correspond à l'acte, à la matière de l'acte, ou à l'acte en tant qu'objet, et non plus en tant qu'impulsion. In fact, what I'm calling the clone is just this quasi or semi-object, which is nothing other than the materiality of the act, but the act as object. C'est-à-dire que l'éthique va être une éthique ouverte. Hence the fact that my vision of ethics is an open vision of ethics. My ethics is going to be open and not closed. On pourrait retrouver quelque chose des formules de Bergson. And it's quite close to what Bergson, the difference Bergson made between open and closed moralities. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'objets, mais il n'y a que des quasi-objets ou des objets latéraux, en quelque sorte, vus latéralement, extatiquement. It does not mean that there is no such thing as an object. It just means that what there is just semi-objects that are always seen laterally and not extatically, and that remains open to change. Or, on pourrait évidemment spéculer davantage sur cette notion de clone. In fact, we could start speculating even more on this notion of clone. Le clone, ce n'est pas une image d'un objet en soi. Because in fact, the clone is not an image of an object, like a full, perfect, self-identical object. An object in itself, as Plato would say. Oui, parce que l'image d'un objet en soi, bah, c'est une image en soi. Because in fact, manière. It's a question of showing that this image of the object in itself is just an image. Au contraire, le clone, c'est un objet qui est entamé, si je puis dire. But in fact, the clone is not just an image. It's an image that is eroded by something else that is not an image. Il n'a plus la consistance, la fermeture, la rondeur parménidienne. And in fact, this clone, because it's eroded or altered, it no longer has this perfect spheric form that you can find in Parmenides, for example. Bon, de son côté, le vécu, comme vecteur, il a quelque chose de spécial, c'est que c'est une émergence, le vecteur est une émergence, ou une ascendance, un ascendé, une ascendance, pas une transcendance, une ascendance. Ok. If you want to qualify lived experience, you can say that it's just a vector, that is an emergence, an ascendance, an ascending, but not a transcendence. Pensez à la formule de Kant sur l'intention morale. Au fond, ça revient pour nous à prendre l'idée d'intention en un sens très fort. Il n'y a que de l'intention dans l'acte éthique. Il y a une pure intention, un jet, une pulsion vers quelque chose qui ne se consomme pas dans l'atteinte d'un objet en soi. In fact, it might be a question of taking Kant's expression seriously. The expression of moral intention. Because an intention, what is an intention if not a flux, an impulse towards an object that is actually never fully an object, but always a semi-object. Bon, alors il faut que je termine, évidemment. Il faut bien conclure, malheureusement. Now I need to summarize and conclude what I've said to you. Cette éthique... elle obéit à une matrice... à une forme rationnelle qui n'est pas la forme rationnelle classique. This ethics is based on a matrix that is on a rational form that is not the classical rational form. Mais c'est quand même une forme. Simplement, sa règle est algébrique et non pas logique. It's still a form, but its rule, its inner rule is algebraic, and not classical. Bon, on va pas se lancer dans l'algébrique maintenant, il est trop tard. So we're not going to start to analyze the algebraic stuff now because it's just too late. Thank you. Mais oui, non, on ne va pas terminer sur la morale, on va terminer sur l'éthique. Sur la non-morale. La morale, c'est justement l'idée qu'il y a des actes qui sont ou comme des objets fermés, macroscopiques, justement, ce qu'on a appelé macroscopiques. Maintenant, on va voir les choses autrement, on va les voir en quelque sorte d'en dessous, non pas d'un inconscient, mais depuis en quelque sorte un inconscient quantique, si l'on peut dire. Okay. So, in order to break with the traditional morality that is usually a way of seeing things from above through macroscopic entities like self identical to themselves as like fixed values and established norms, we are going to see things from beneath, that is not from the point of view of an unconscious, but rather from what was the beautiful expression you used? C'était quoi la belle expression pour le corps que vous avez utilisée là? L'algébrique, l'algèbre. Vous venez de dire que ce n'était pas d'un inconscient, c'était d'un... Un inconscient quantique. Yeah. Rather like not a personal unconscious, but a quantic unconscious. Bon, le problème est de savoir en quoi c'est générique aussi. Le générique a plusieurs définitions. Ce n'est pas tout à fait le générique de Feuerbach, ce n'est pas le générique purement logique des logiciens modernes, par exemple de Cohen. C'est un générique qui identifie l'homme comme être naturel, selon la fameuse formule de Marx. L'homme est un être naturel, il appartient à la nature. Mais, ajoute Marx, tout est dans le « mais », évidemment, c'est la nature rendue humaine. C'est la nature rendue humaine. Et tout est là, évidemment. Il ne s'agit pas d'un physicalisme ou d'un physicisme. Il ne s'agit pas de réduire l'homme à un être purement naturel ou purement physique, traitable par la mécanique quantique. Mais c'est un être qui est physique, mais la physique est rendue humaine, en quelque sorte. En lui, la physique est rendue humaine. La physique aussi bien au sens de la nature qu'au sens de l'activité d'un physicien. Elle est rendue humaine. So it's really a question of thinking man as natural being, as being of nature, as being who belongs to nature. But this nature is, as Marx would put it, a nature that has been made human. It's a question of thinking man as physical being in the sense of physis and to, like, so the genericity or the generic man is not exactly what Feuerbach or Cohen used to think about it, but it has something to do with a kind of a physicality proper to man and to nature at the same time. Juste quelques derniers mots, vraiment qui seront vraiment les derniers. J'ai parlé d'ascender et pas de transcendance. Le vecteur, c'est le moment d'ascendance dans la transcendance. La transcendance, c'est déjà fermé, ça commence à se fermer, à se clore. L'ascender, c'est le pur jet, en quelque sorte, l'ajection, le mouvement ouvert d'une certaine manière à l'infini. Or, cet ascendé, pour moi, c'est fondamental, c'est ce qui peut s'appeler aussi l'insurrection. L'insurrection. À la racine de tout acte, de n'importe quel acte, il y a certes les conditions générale du monde, les contraintes, nécessités, mais il y a un acte d'ouverture qui ne se ferme pas, qui ne peut pas se fermer. C'est la philosophie qui cherche à le fermer. Mais la racine, le radical de la philosophie, c'est un jet qui ne se ferme pas, qui se poursuit. So I spoke of an ascending vector, and this ascending vector is a moment of ascendance, an ascending that is, of course, towards the transcendence, but towards the transcendence that is, in fact, finite or closed. And this pure upsurge or uprising is what I call insurrection. And this insurrection of the drives or of the vector is, in fact, the root of all acts. And it's always because all acts emerge from this uprising that any act is, in fact, an opening or is, in fact, open and can never be closed, not even by philosophy. Bon, je suis désolé, j'ai été trop ambitieux, je vais parler de trop de choses. I'm very sorry, I've been overly ambitious and I wanted to speak to talk about many things. Chose. But in fact, I haven't said much. J'aurais voulu terminer sur une formule de Mao Tse-tung. I wanted to end up with a formula complet. Of Mao Allez, Mao Tse-tung. On a raison de se révolter. Which is we are right to revolt ourselves. Non, non, la révolte est première avant la raison. And revolt ça, c'est is pas always, Mao Tse-tung. Always comes first, that is before reason. But this part of the sentence is not from Mao. La raison est une motivation pour se révolter, mais la puissance de la révolte n'est pas dans la raison. Reason is, of course, a kind of reason to get. To get into struggle or to revolt, but at the same time, the true reason of reason and of revolt is not within reason. Comme dit cet auteur célèbre en France et maintenant dans le monde, indignez-vous. As this famous contemporary thinker says, you need to indignez-vous. You need to I know them. They're everywhere at the moment. They were in Spain. They were. How do you say in English? The occupy. No, not the indignated, but it's there is a word in English. Get indignant. Les indignés. Les indignés. Les indignés. The indignant. No, not the indignant. Peeved. No. It's groups of people, young people, who are fed up with this kind of a mix of lump and proletariat between, you know, intellectuals who are not paid enough, or workers, or anybody who is fed up with capitalism. And I don't know, I can't remember, but there was... Sorry? The outraged, maybe. Raged out. Okay, well, in the struggle to find a word for what some are, that's a good place to end, I think. Thank you.